Donc, Inch'Allah, nous allons recommencer pardon, avec notre frère Bilal, qui est de l'association Sanabil. Inch'Allah va nous parler du travail qu'il mène au quotidien avec les prisonniers et nous expliquer un peu quels sont les retours qu'il a. Voilà. نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, je tiens à remercier les frères et sœurs du CRL qui m'ont invité aujourd'hui. Et je tiens aussi à remercier vous tous qui sommes présents aujourd'hui pour ce sujet qui est très important. Alors, je tiens quand même à m'excuser auprès de vous. Sachez que c'est la première fois que je prends le micro devant un public. Donc, si ma voix est un peu décousue ou tremblotante, ne m'en tenez pas rigueur. Donc, avant de commencer par parler de Sanabil, j'aimerais vous lire, Inch'Allah, juste des extraits de deux lettres que nous avons reçues de frères qui étaient un frère qui est toujours emprisonné et un autre qui, alhamdoulilah, a été libéré, afin de vous montrer un peu la détresse dans laquelle sont nos frères et sœurs détenus. Donc le premier, c'est un frère qui s'appelle Youssouf, qui est actuellement détenu en Écosse. Donc ce frère nous a dit dans un des courriers: c'est seulement lorsque quelqu'un vient en prison et que tout le matérialisme lui est retiré et saisi, que monsieur quelqu'un devient monsieur rien du tout, plus de nom à présent, juste un numéro, la froide réalité, la cellule de la prison, de vieux vêtements pour la première fois, il n'y a rien dans cette cellule et dedans je ne suis rien. Vous savez alors que vous avez touché le fond et vous réalisez votre insignifiance dans ce grand schéma. Être pris du confort familier de votre entourage vers un environnement inconnu de claquements de portes métalliques, de bruits de clés, de cris de prisonniers et le vide du vide. Tout d'abord vient la pitié pour soi-même, puis les regrets. Le sommeil vous prend, le déni de l'endroit où vous êtes, la coupure avec la réalité. Il y a un autre extrait, Inch'Allah, un frère, David, qui était lui détenu en France pendant quelques mois et qui a été libéré, alhamdoulilah, nous dit aux membres de Sanabil: si vous saviez donc, mes chers frères et sœurs, de notre situation, la puissance et la force d'une simple lettre à un détenu, l'apport d'un livre sur la foi, d'un CD de Coran, par Allah, tous les messages écrits et divers objets se rapportant à l'islam, apporte une joie et un soutien moral énorme aux frères incarcérés. J'en suis le premier témoin. Combien de frères ici ne reçoivent aucun courrier et n'ont même pas ne serait-ce qu'un Coran dans leur cellule? Par celui qui a créé la terre et les cieux, votre travail et votre participation ne sont pas vains. Vos lettres et vos projets apportent une joie immense dans le cœur des frères incarcérés, qu'ils invoquent Allah chaque jour pour votre réussite et afin qu'Allah vous récompense par le paradis éternel. Donc dans ces extraits, en fait, on voit une chose qui est très importante, c'est que les frères et sœurs en prison ont un grand manque, un besoin au niveau du matériel et un besoin affectif. Donc ce qui est important, c'est vraiment, enfin nous, notre but dans cette association, c'est Inch'Allah essayer de briser cet isolement affectif et cette solitude donc, qui est subie par beaucoup de nos frères et sœurs. Donc, je vais commencer, Inch'Allah, par vous parler donc, de Sanabil. Donc, avant tout, Sanabil, c'était une association qui était non officielle. En fait, tout a commencé en 2007, vers fin 2007. C'est un groupe de frères. Comme vous savez, souvent, on recevait des messages, soit par SMS, mail, dans des forums. On recevait des messages alarmants de sœurs qui se retrouvaient en grande précarité, suite principalement à l'incarcération d'un proche. Souvent, généralement, le mari. Donc, à partir de ce moment-là, donc, il fallait récolter des fonds assez rapidement pour pouvoir aider cette sœur, que ce soit dû à une incarcération, que ce soit dû à une sœur qui s'est convertie, par exemple, ou autre. Donc après, des frères se sont dit, au lieu à chaque fois de créer un fonds dans l'urgence et de faire des récoltes, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait effectivement une caisse et que dans cette caisse, on puisse avoir de l'argent pour qu'à chaque fois qu'un cas se présente comme celui-ci, eh ben on puisse tout de suite sortir une somme d'argent sans devoir attendre et chercher à droite à gauche. Donc de cette idée, c'est venu, on a décidé de récolter des fonds pour aider nos frères et sœurs, et principalement celles donc, qui sont, dont les maris ont été victimes d'incarcération. Donc le projet a commencé en 2007. Donc alhamdoulilah, on a récolté de l'argent, on a pu payer parfois des factures de 700 euros, 800 euros ou autre, que ce soit facture de gaz, facture électrique, d'électricité ou autre. Et on envoyait des lettres, mais il n'y avait pas un vrai mécanisme d'envoi de lettres comme on a aujourd'hui. En fait, c'était plutôt des lettres que chaque membre envoyait à des personnes qu'il connaissait. On n'avait pas de listing en fait de prisonniers. C'était tout cas par cas. Et ensuite, donc le projet, malheureusement, il a commencé un peu à s'essouffler. Donc, Hamoulé, il a duré pendant 3 ans. Et en 2010, il commençait un peu à s'essouffler. Et là, machallah, il y a une sœur qui a frappé à notre porte et qui nous a dit, votre projet, il est très bien, mais afin de le vivifier un peu plus, ce qu'il faudrait, c'est vraiment que vous fassiez une association qui soit reconnue et légale. Et donc, à partir de là, cette sœur, nous, on s'est dit que ce projet, c'était un peu trop grand pour nos petites épaules. Elle nous a dit qu'il ne fallait pas avoir peur, que nos sessions, c'est assez simple, et elle a fait un très grand travail administratif afin de préparer tous les documents, les textes, tout ce qu'il fallait. Et donc, à partir de là, on s'est dit, on va, Inch'Allah, faire cette structure donc, qui est Sanabil. Donc, pourquoi on a choisi le nom Sanabil? C'est par rapport au verset Allah, il dit « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » Sourate Al-Baqarah, dont la traduction est « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, Sanabil, à 100 grains l'épi, car Allah multiplie la récompense à qui il veut. Et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. » Donc en fait, on voulait, par cette parabole coranique, montrer le fait que cette action, Inch'Allah, pourrait être décuplée aux 700 tuples. Comme me dit souvent un frère que je visite, il me dit, Inch'Allah, et par le biais de cette association, essayez de faire en sorte que ce soit une brouette de hasanat pour vous et aussi pour les frères et sœurs que vous aidez. Donc au départ, ça a commencé par quelques adresses qu'on avait. Donc après, on a vraiment hiérarchisé l'association. Quand c'est devenu Sanabil, on a vraiment hiérarchisé, on a fait 2 pôles. Donc on a fait un pôle bienfaisance et un pôle plutôt dédié au courrier. Alors, le pôle bienfaisance, au départ, il était pour toute personne en difficulté. Que ce soit une personne qui a un rapport avec le milieu carcéral ou pas. Ensuite, on a demandé conseil à plusieurs personnes qui sont dans le milieu associatif depuis plusieurs années. Et elles nous ont dit, votre projet, il est très beau, il est bien. Mais ce que vous faites, le fait de ne pas vous spécialiser, beaucoup le font. Si à l'heure d'aujourd'hui, vous prenez, vous regardez, vous tapez l'association musulmane, vous verrez que la plupart font dans l'aide aux personnes en difficulté. Mais, ils ont dit, il n'y a, à notre connaissance, pas d'association qui s'est spécialisée uniquement dans les détenus et leurs familles. Donc à partir de là, on s'est dit, Inch'Allah, on va se spécialiser uniquement dans les détenus et leurs familles. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont éligibles à une aide de Sanabil doivent avoir un rapport avec le monde carcéral. Donc au départ, on est parti sur un site anglophone qui répertoriait quelques adresses de détenus, de frères et sœurs dans le monde entier. Donc on a eu cette première base qui ensuite a été développée. Donc les différentes adresses, on les a comment? On les a soit par les détenus eux-mêmes qui nous envoient des adresses d'amis qu'ils connaissent, qui sont en prison, ou alors c'est des fois la famille elle-même qui nous dit « j'ai un frère qui est incarcéré, j'aimerais bien que vous le fassiez, qu'il reçoive vos lettres, parce que vos lettres ont fait beaucoup de bien à telle autre personne dont j'ai entendu, donc j'aimerais que mon frère aussi reçoive vos lettres. » Donc principalement, voilà comment on a nos adresses. Donc au niveau de Sanabil, il y a 3 points qui sont mis en avant au niveau des détenus. C'est une aide au niveau de la foi. Donc on essaie en fait, par le biais de ces courriers, donc ces courriers, ce sont un rappel religieux, sur un thème qui est choisi. Donc c'est un rappel mensuel, c'est un rappel qui est fait avec sérénité, c'est un rappel qui est donné à des personnes qui le demandent. Donc on choisit un thème entre nous. Auparavant, on demandait à chaque fois sur le net aux frères et sœurs de choisir un thème ou bien de nous écrire une lettre, mais malheureusement, face au peu de retours qu'on a eu, donc on a décidé maintenant de choisir ce thème directement entre nous, en fait, en interne. Donc on prend un thème, que ce soit la patience, que ce soit la bonté envers les parents, n'importe quel sujet qui représente des valeurs islamiques, et à partir de là, on écrit une lettre. Donc cette lettre, c'est une lettre qui est manuscrite, parce qu'on estime que le fait de recevoir un courrier qui a été écrit à la main d'une personne qui a pris du temps à le faire, a beaucoup plus de valeur sentimentale et fraternelle qu'une lettre qu'on pourrait photocopier et envoyer. Donc c'est un courrier qui est écrit à la main. À l'heure d'aujourd'hui, Katsanabil envoie environ 400 lettres par mois. Donc on a au moins, on a plutôt 400 adresses, 400 détenus dans le monde entier. Donc actuellement, on envoie nos lettres dans 11 pays. Et la plupart des détenus, la plupart des gens qui sont dans ce listing sont des frères qui sont aux États-Unis, Angleterre. On a aussi la France, une bonne partie. On a aussi la Belgique, l'Italie, le Canada, l'Australie, l'Algérie, le Maroc. Le Maroc, c'est plus une aide financière. On n'a pas encore d'aide, on n'a pas encore d'adresse détenue. Donc il y a 11 pays. Et Inch'Allah, là, on a commencé une ouverture vers un nouveau pays, Inch'Allah, qui est la Palestine. Donc on a fait un premier jet. On attend de voir si on va recevoir un retour. Et s'il y a un retour, ben, Inch'Allah, on va commencer parce qu'on a... On a un listing de peut-être 15 ou 20 sœurs qui sont emprisonnées. Donc on aimerait commencer, Inch'Allah, aussi à leur écrire, elles aussi en Palestine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, au niveau des lettres, elles sont envoyées, donc, comme je l'ai dit, chaque mois. Et chaque lettre, en fait, souvent, enfin pas chaque lettre, mais on reçoit aussi beaucoup de retours. C'est ce qu'on appelle, nous, les RP, en fait. Ce qui nécessite ensuite une RP. Une RP, c'est une réponse personnalisée. C'est-à-dire que beaucoup de frères nous écrivent, à partir de là, on s'est mis un point d'honneur, à savoir chaque lettre que nous recevons d'un détenu, en échange, Inch'Allah, on lui fait une réponse. Aussi minime qu'elle soit, mais on lui fait une réponse par rapport à cette lettre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les frères qui sont aux États-Unis, au-delà des lettres, ils ont aussi accès aux mails. Donc, beaucoup d'entre eux aussi nous envoient des mails. Et donc, on a aussi cette correspondance par mail qu'on leur envoie. Donc, la lettre, à partir du moment où elle est écrite, ensuite, elle doit être traduite. Donc, on l'a traduit en anglais, puisque, comme j'ai dit, la plupart des frères et sœurs qu'on aide sont anglophones. On l'a traduit aussi en arabe, parce qu'on a, comme le disait très bien le frère Bassam tout à l'heure, quelques frères et sœurs qui sont détenus en Italie, arabophones en Italie. Et on a aussi des frères qui parlent, des frères somaliens. Donc, Alhamdoulilah, on a trouvé un traducteur et on leur envoie aussi des lettres. On voit les lettres sont traduites dans ces différentes langues. Alors, et ensuite, chaque lettre, ce qu'on fait, c'est qu'on demande sur Internet aux gens, on les sollicite, qui désirent copier un nombre de lettres comme ils le souhaitent. Donc à partir de là, donc, les frères et sœurs nous répondent, donc généralement on fait sur le site ou Facebook, les frères et sœurs nous répondent et s'engagent à copier un nombre de lettres. Et ensuite, toutes ces lettres-là sont envoyées au siège, parce qu'on préfère vraiment s'assurer, mis à part les membres de l'équipe, mais pour les membres qui sont externes, afin d'être sûr que les lettres arrivent à bon port, on préfère que les personnes nous envoient les lettres à notre siège, et ensuite on les envoie nous directement aux frères et sœurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des lettres, on a aussi beaucoup de retours de la part de certaines prisons. Il y a, des fois c'est pour des... ils nous mettent des raisons, ils nous mettent l'adresse inconnue, alors que l'adresse, on sait qu'elle est sûre, qu'elle est bonne. Ou alors, des fois, c'est peut-être que le détenu a été transféré, donc la lettre n'a pas suivi. Dans d'autres cas, il arrive que la lettre suit quand même le transfert. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a, à ma connaissance, qu'une seule prison qui nous a interdit le courrier. C'est aux États-Unis. C'est une prison de haute sécurité à Demax. Donc, pour répondre, tout à l'heure, juste une question a été posée par rapport, une question a voulu être posée par rapport au frère Zakaria Moussaoui. Si je ne me trompe pas, il est dans cette prison, à Florence, et je sais que cette prison, c'est la seule qui, pour l'instant, nous a refusé notre courrier sans réelle raison. Donc, ce qui fait que tous les frères qui sont de cette prison, aujourd'hui, on ne peut plus communiquer avec eux. Et par rapport à ce frère-là, on lui a écrit plusieurs lettres, mais on n'a jamais un retour de sa part. Pourtant, on a eu des retours au début, avant qu'on soit interdit dans cette prison, on a eu des retours d'autres frères dans la même prison. Mais lui, on n'a jamais eu aucun retour. Donc, pour anticiper la question, si on avait des nouvelles de lui, ou des contacts, à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, on n'a aucun contact, ni aucune nouvelle de ce frère. Alors, dans le travail aussi qui est fait, donc, toujours pour nourrir la foi par l'envoi de ses courriers, donc, pendant les périodes de fête, le grand Aïd et le petit, on profite aussi, on utilise, Inch'Allah, enfin, on sollicite les enfants des musulmans pour faire des dessins. Et ces dessins, on les envoie ensuite, chaque dessin avec le vraiment nominé, on les envoie ensuite aux frères et sœurs. Et alors pour nous, un dessin, ça peut être très banal, ça peut être qu'un gribouillage. Mais je me souviens avoir reçu un jour une lettre du cher Bassam qui justement nous disait qu'il avait reçu un dessin d'une petite fille et que ce dessin avait fait pleurer tout le couloir ou toute l'aile de frères qui étaient là-bas. Et c'est vrai que le fait d'avoir reçu ce témoignage, qu'un simple dessin d'une petite fille peut faire pleurer plein de frères adultes et forts en prison, ça fait chaud au cœur et on voit que, ben, qu'il ne faut pas négliger ce travail-là. Pour nous, ça peut être quelque chose de très insignifiant, mais pour ceux qui sont en prison, c'est vraiment très très très important. Donc, il y a aussi donc, dans ce travail de nourrir la foi, des visites qui sont faites au parloir. Donc, les parloirs, à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'ai obtenu 7 permis de visite. Donc, pour obtenir un permis de visite aussi, c'est quelque chose qui peut être assez long et fastidieux. Parfois, des fois, il peut s'écouler 8 mois entre une demande et une acceptation. Souvent, des fois, c'est refusé pour des raisons non explicitées. Donc, ils vous disent qu'il y a une enquête qui a été faite et qu'au-delà de cette enquête, on a décidé de ne pas vous accorder le parloir. Je sais que j'ai été une fois convoqué à un poste de police par rapport à une demande et ensuite donc, on a fait une enquête sur moi, on a posé des questions. Et je pense que c'est cette enquête-là qui est, enfin, un autre commissariat m'a dit que c'est cette enquête-là qui est ensuite redistribuée, relue et à la suite de ça, ben, on décide pas de vous accorder. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est même si vous entendez qu'une personne a été, un permis a été refusé, il ne faut pas pour autant vous empêcher de faire la demande. C'est vraiment cas par cas. Ils peuvent refuser à une personne et permettre à une autre. Ce qui était mon cas, j'ai envoyé une lettre à un frère. Enfin, j'ai fait une demande de permis. Ce frère m'a dit que d'autres personnes avaient voulu le voir, mais ces personnes ont été, leur parloir n'a pas été accordé. Alhamdoulilah, j'ai fait la demande, donc le parloir a été accordé. Donc, je vais aller visiter ce frère. Et donc, ça, la visite, au-delà des lettres, c'est vraiment un point qui est très important et sans lequel on aimerait vraiment solliciter les frères et sœurs. Donc là, on est en Belgique, je ne sais pas comment ça fonctionne en Belgique. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire que si vous savez comment on peut visiter un frère en prison, ben, Inch'Allah, je suis preneur parce que j'essaie de faire le maximum de parloirs, de permis possible. Mais je sais qu'en France, malheureusement, il y a peu de gens qui visitent, alors que visiter un détenu, c'est un droit qu'on peut demander. Visiter un détenu, c'est pas. Vous n'allez pas. Enfin, je veux dire, vous ne commettez aucun crime au lieu de la loi. Et c'est quelque chose qui. Subhanallah, j'ai été vraiment bouleversé par les premières visites que j'ai faites. Il y a un frère que j'ai visité dans le nord de la France, que je n'avais jamais vu, je le connaissais juste par rapport aux échanges qu'on avait avec l'association. Et donc, je l'ai visité, j'ai demandé un permis, alhamdoulilah, le permis a été obtenu, ça a été un peu long. Le frère, il s'est battu lui aussi en prison, le permis a été obtenu. Et quand il m'a vu, ce frère, il m'a dit... Je suis là dans la prison depuis 7 ans, c'est la première fois que je vois un musulman en dehors qui vient me visiter. Il a dit, depuis 7 ans, c'est la première fois. Et tellement qu'ils étaient choqués et étonnés, d'autres frères qui étaient aussi dans des box adjacents qui recevaient donc leur famille, sont venus me visiter. Ils m'ont dit, mais qui est ce frère, cet extraterrestre qui vient de région parisienne, qui fait 3 heures pour venir te voir alors que... Même tes amis d'enfance, des frères que tu as fréquentés, personne ne vient te voir. Et ce frère, il me disait que les seules personnes qui viennent le visiter sont des membres de sa famille ou bien un ami d'enfance non musulman. Il me dit que ce sont les seules personnes qui viennent le visiter. Et c'est vrai que j'ai été vraiment ému par rapport à ce qu'il me disait. Et en plus, chacun d'entre nous connaît le mérite qu'il y a à aller visiter son frère en Allah. Mais tout ce hadith de l'homme qui partait visiter son frère, et Allah a envoyé un ange sous la forme d'un homme qui lui a dit « Qui vas-tu visiter ?» Il a dit qu'il allait voir ce frère sans aucun intérêt mondain, juste parce que c'est un musulman et qu'il aimait en Allah. Et il lui a donc annoncé qu'Allah l'aimait comme lui aussi avait aimé son frère. Donc, et ça, c'est des choses qui pour nous sont peut-être petites, mais c'est vrai que les visites, et franchement, moi, c'est une chose que je déplore, c'est que, le manque de frères qui prennent ce temps d'aller visiter un détenu, parce que vraiment, c'est vraiment une expérience à faire, et vous allez ressortir d'un parloir différemment de la manière dont vous êtes rentré. Donc, je voulais parler. Alors, un autre domaine aussi au niveau de Sénabi, donc là j'ai parlé de la foi, donc un autre domaine qui a été une question qui a été posée tout à l'heure, donc notre deuxième pôle aussi c'est au niveau des finances, de l'aide financière. Donc on aide les frères et sœurs détenus ainsi que leur famille financièrement par rapport à nos moyens. Donc les finances, moi je sais que j'ai interrogé plusieurs frères en prison. Alors après, ça dépend des besoins de chacun, mais je sais que généralement, les frères me disaient qu'ils avaient besoin au moins de 150 euros par mois pour vivre vraiment décemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en prison, tout s'achète, tout se cantine, pour utiliser leur jargon. Donc, et ça, c'est vrai que c'est un problème parce que beaucoup de frères et sœurs, comme vous savez, malheureusement, enfin, généralement, les membres de notre Oumma ne roulent pas sur l'or, donc beaucoup de frères sont indigents en prison. Donc à partir de là, ce qu'on fait, Inch'Allah, c'est après, bien, on fait toujours quand même une étude de cas par rapport au statut du frère, et à partir de là, on accorde en fonction de nos moyens certaines aides. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on doit aider, je pense, une trentaine de frères aux États-Unis et en France principalement, de même que aussi la sœur Malika qui est en Belgique, à qui on envoie des mandats. Et donc, alors, en prison, comme je dis, tout s'achète, et il y a même certains frères qui sont aux États-Unis. En fait, des fois, les frères, ils me disent qu'ils ne peuvent pas nous répondre parce que même la communication Internet, en fait, est payante. Les mails qu'ils envoient sont payants. Le fait de pouvoir appeler leur famille, c'est payant. Donc, tout ça, ça demande de l'argent. Donc, Sénabi, on essaie de venir en aide par rapport à ce niveau-là, donc en les aidant financièrement. Ensuite, l'autre point qui est très important et sur lequel on agit aussi, c'est par rapport à la famille. Parce que pour beaucoup de frères qui sont en prison, et beaucoup nous le disent, le fait de savoir que leur famille est soutenue et aidée, ça va beaucoup les aider, même eux moralement en prison. Et il y a une chose qui m'a vraiment interpellé, et que beaucoup de frères m'ont dit, et ça m'a aussi choqué, c'est que beaucoup m'ont rapporté qu'à partir du moment où un frère était incarcéré, c'est comme si que la Oumma autour de lui n'existait plus. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, il est vraiment très bien. Et ça, beaucoup me l'ont dit. On dit les frères que tu fréquentes tous les jours à la mosquée, les frères que tu vois tous les jours, avec qui tu pars en vacances, avec qui tu manges, avec qui tu discutes, le jour où tu tombes en prison, tu ne reçois pas une lettre. Et j'en ai connu qui sont très énervés par rapport à la Oumma. Ils disent en dehors, c'est plein de sourires, c'est la mahabba, on t'aime, t'es notre frère. Il dit, mais une fois que tu vas en prison, il n'y a plus personne pour t'aider. Et même des fois, les femmes sont mises au banc, même des fois, les sœurs ne se prennent plus telle sœur, parce qu'on a peur d'être, entre guillemets, grillé, apparemment, le fait de connaître telle ou telle personne. Là, c'est vrai que beaucoup me l'ont dit, et ça, c'est une chose qui... C'est pour ça que j'espère qu'Inch'Allah, cette conférence, ce séminaire, pourra être une prise de conscience de la part de chacun d'entre nous, du devoir, comme disait le frère Arnaud, de l'obligation que l'on a vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont détenus. Donc, comme vous savez, au niveau de la famille, Abu Huraira rapporte que le prophète s'en a dit, quiconque soulage un croyant d'une des situations affligeantes dans ce bas monde, Allah le soulagera d'une des situations affligeantes le jour du jugement dernier. Quiconque rend les choses faciles à quelqu'un, Allah lui rendra les choses faciles dans ce monde et dans l'autre. Quiconque couvre un musulman, Allah va le couvrir dans ce monde et dans l'autre. Allah vient en aide à son frère tant que celui-ci vient en aide. Allah aide son serviteur, excusez-moi, tant que celui-ci en aide à son frère. Donc ça, c'est des hadiths qu'il faut, Inch'Allah, que ça reste pas que de la théorie, mais de la vraie pratique. Donc, au niveau des familles, donc on a aussi, de la même manière que par rapport aux détenus, on a une aide financière. Donc, par rapport à cela, on demande, par rapport on a une étude, on vérifie les cas, et à partir du moment où le cas est éligible, pour bien s'assurer que la personne a vraiment une situation très difficile. En fait, si on pouvait, on aimerait vraiment aider, parce qu'à partir du moment où on se dit, comme vous savez, souvent dans nos familles, il n'y a qu'un seul salaire, c'est du mari, donc à partir du moment où le mari tombe en prison, il n'y a plus de salaire. Donc quand on sait que même deux familles, dans une famille, quand les deux personnes du couple travaillent, souvent les fins de mois sont difficiles, donc qu'en est-il quand il n'y a qu'un seul salaire et que ce salaire ensuite vient être annulé par l'incarcération? Donc à partir de là, en fait, on devrait se dire, enfin, moi des fois j'ai envie de me dire qu'à partir du moment où une sœur a son mari qui est incarcéré, elle doit être automatiquement éligible. Mais pour, Inch'Allah, essayer d'être un minimum assez pro et de s'assurer vraiment d'avoir assez d'effets, on fait quand même une étude de cas par rapport à la sœur qu'on essaie de rencontrer, on vérifie par rapport à vraiment tout ce qu'elle dit et toute cette situation. Et à partir de là, Inch'Allah, on essaye de... on lui apporte une aide. Parce que moi, j'ai connu le cas de deux frères, ils ont essayé de s'investir pour la Oumma. Et quand ensuite j'apprends que la femme de ce frère, n'ayant pas de quoi payer son électricité, est obligée d'aller dormir chez une autre personne, je me dis, mais où est la Oumma? Des fois, on parle, on se dit, j'aurais bien voulu vivre à l'époque du prophète, afin de participer aux grandes batailles, j'aurais bien voulu, mais juste... à côté de chez toi, il y a des personnes qui vivent dans une situation qui est très dramatique. Et les aider, Inch'Allah, c'est un très grand bienfait. Donc, les familles, comment on les aide? Donc, on les aide financièrement. On les aide aussi au niveau des parloirs. Par exemple, quand je prends le cas de la France, souvent les juges antiterroristes, ils sont en région parisienne. Donc, ça fait que si une personne habite à Toulouse, qui est à 700 km pratiquement, eh bien, la personne va être incarcérée en région parisienne. Donc la famille doit venir le visiter jusqu'à Paris, donc c'est 700 km, c'est des frais. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est quand on peut, on prend ses sœurs, on les ramène au parloir, on paye les frais, on paye les TGV, on essaie de trouver un hébergement pour elles. Et ça, l'hébergement, il y a un grave problème. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, souvent quand une sœur vient du sud de la France ou autre de province afin de visiter un époux en région parisienne, souvent, elle est accueillie et elle dort chez des bonnes sœurs et des chrétiennes qui, alhamdoulilah, font un grand travail, c'est-à-dire que ce soit la Croix-Rouge, l'UNICEF ou autre, c'est eux qui accueillent nos sœurs. Et c'est là que je me demande, mais comment ça se fait que la Oumma qui dépense des fois des millions pour des mosquées ou autres, comment ça se fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a aucune structure pour accueillir nos sœurs qui viennent de province pour dormir? Il n'y a aucune structure. Elles en sont arrivées, elles vont dormir chez des chrétiennes qui, alhamdoulilah, heureusement qu'elles sont là pour les aider. Sinon, je ne sais pas où est-ce qu'elles dormiraient, les sœurs, aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un gros problème au niveau de l'hébergement. Et c'est vrai que dans les projets de Sanabil, Inch'Allah, ça serait de pouvoir avoir un logement qui pourrait, un logement, même un pavillon, qui pourrait donc accueillir ces sœurs qui viennent, Inch'Allah. Donc, ce que j'aimerais dire aussi, parmi les choses les plus dures, que rencontre Sanabi au quotidien, c'est le manque de frères qu'il y a dans notre structure et le manque de frères qui nous aident. Et à juste titre, une sœur nous disait, mais comment ça se fait que la plupart des détenus, 98% sont des frères, et la plupart de ceux qu'ils aident, que ce soit, et c'est véridique, que ce soit dans les dons qu'on reçoit, que ce soit dans les personnes qui traduisent, dans les personnes qui écrivent, dans les personnes qui se bougent, même au sein de l'association, Sanabil, c'est 20 membres. Sur les 20 membres, c'est 15 sœurs, je pense. Et 5 frères. Et les sœurs me disaient, mais comment ça se fait que... Même souvent, moi, je connais plein de frères qui sont partis étudier l'arabe. Mais quand on cherche un traducteur en arabe, on ne trouve plus personne. Donc les sœurs me disaient, mais comment ça se fait que la plupart des frères qui sont en prison, la plupart des gens en prison sont des frères, et la plupart de ceux qui les aident sont des sœurs. Donc les sœurs vous dites, mais où est-ce que vous êtes, les frères? Donc, vu qu'il me reste beaucoup de temps, j'aimerais juste terminer, Inch'Allah. J'aimerais vous dire... comme j'ai commencé par un petit mot d'un deux extraits de lettres, j'aimerais terminer aussi, Inch'Allah, par un extrait d'un frère. J'ai encore beaucoup à dire, mais Inch'Allah, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Donc, juste un dernier mot, une dernière chose que je veux dire aussi avant de parler, c'est aussi parmi les choses qui nous font vraiment défaut aussi, c'est l'argent. On manque de fonds. Si on aurait plus de fonds, pour aider plus de personnes, mais des fois on ne peut pas parce qu'on manque de fonds. il arrive que certains mois on reçoive que 1000 euros, d'autres mois que 2000. Et quand j'entends qu'une personne pour sortir un disque mange je ne sais quoi sur internet et qu'elle reçoit 70 000 euros en 3 jours, je me dis, mais c'est impressionnant pour un disque 70 000 euros. Et nous, pour nos frères et sœurs, on défend la 1000 euros, 2000, moins. Et comme vous savez, le même Malik a dit, il est obligatoire pour les musulmans de verser pour la libération des prisonniers. Et il n'y a aucune divergence sur cela entre les juristes. Parce que le prophète Hassan a dit, assurer la libération du captif, rapporté par Al-Bukhari. En effet, les savants ont dit, si l'État devait dépenser son trésor entier pour payer la rançon des captifs musulmans, cela ne serait pas considéré comme étant excessif. Donc pour finir, un frère nous a écrit une lettre dernièrement du Canada, il a dit, le frère Zakaria nous dit donc, une lettre d'amour à mes frères et sœurs de Sanabil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À chacune de vos âmes bénies, qu'avons-nous fait dans nos vies pour mériter de nous retrouver dans vos pensées? Des gens, des frères et sœurs, à des milliers de kilomètres de l'autre côté de l'océan, ils se rappellent de nous, ils s'inquiètent pour nous. Comme j'aimerais qu'une telle œuvre me soit écrite dans la balance de bonnes actions. Mes beaux compagnons, ne sous-estimez pas la valeur de votre travail. Ce n'est peut-être pas palpitant, ça ne vous apportera peut-être pas la gloire, la célébrité. Les seuls effets de ce travail que vous ressentez peut-être sont les douleurs au poignet et au dos en écrivant chaque lettre à la main avec amour et préoccupation. Mais par Allah, le Seigneur des cieux, ces œuvres ne sont pas petites. Et je terminerai donc par le hadith du prophète sallam, d'après Abu Moussa, le prophète a dit « Libérez le prisonnier, donnez à manger à la famille et rendez visite aux malades » rapporté par Al-Bukhari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, frère Bilal, et barakallahu fikoum à tous les frères de Sanabil pour cette excellente initiative dont nous devons certainement tous nous inspirer. Cela prouve qu'il ne faut pas de grands moyens pour commencer. Il suffit juste de faire le premier pas, Inch'Allah. Et après, la baraka d'Allah suit, Inch'Allah, si les intentions sont pures. Donc voilà, je vais céder la parole, Inch'Allah, au frère Hamza, donc, qui est reconverti, Inch'Allah, et qui va nous témoigner de son expérience. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطاهرين البررة وعلى أصحابه المبشرين بالجنة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, salut et bénédiction sur son prophète Mohammed, ainsi que sur sa pure et sainte famille, sur tous ceux qui les suivent jusqu'au jour du jugement, sur ses fidèles compagnons qui ont mis directement au paradis et sur tous ceux qui les suivent jusqu'au jour du jugement. Après avoir entendu tout ce qu'on a entendu aujourd'hui et en connaissant donc tous les témoignages des différents musulmans, musulmanes, frères, sœurs, partout dans le monde, mon cas n'a rien d'exceptionnel, au contraire. Donc je ne sais pas quel témoignage je vais vous apporter, si ce n'est que, bon, je vais commencer par me présenter, je m'appelle Dassi Olivier, de père belge, de mère originaire du Congo RDC, de l'est du Congo, là-bas à Bukavu. J'ai trois sœurs, un frère, mon frère aussi converti, moi depuis 1993. Et en 1993, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait rencontrer un centre et un cheikh, Alhamdulillah, cheikh Bassam, avec lequel j'ai appris les bases de l'islam et les bases que tout le monde connaît et que vous connaissez, il faut apprendre l'islam, donc la science. La pratique de cette science, et puis transmettre cette science, ou le peu qu'on a appris de l'islam. Ensuite, on a appris quoi? Qu'on va être confronté à des épreuves pour voir par rapport à cette foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, et cette science, est-ce que tu la portes réellement ou non? Et voilà qu'à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala te teste. On va voir maintenant cette science, cette application, cette transmission, est-ce que tu l'as assimilée? Est-ce que tu as compris quelque chose de ce que ce cher donc t'a appris. Et c'est là qu'intervient donc le petit passage en prison que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné par rapport à un choix de vie. Un choix de vie qui est de transmettre la parole d'Allah et celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celle de suivre la voie de tous les messagers et prophètes, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam regroupe tout ce message en lui, donc, et donc en l'islam, la dernière religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée, à travers les prophètes, à travers les compagnons, en commençant bien sûr par les califes bien guidés et les autres, à travers les pieux de la communauté et de la nation islamique. C'est pour ça que moi, je n'ai pas d'importance, je sais très bien que je pèse rien dans cette histoire, parce que j'appartiens, je vous dis que moi, j'appartiens à la nation islamique, à la civilisation islamique. C'est ça mon honneur, c'est ça ma fierté. Et Allah subhanahu wa ta'ala appelle son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous appelle donc à diriger tout notre être vers cette religion de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos actes de dévotion, dans nos actes d'adoration proprement dite, ou dans tous nos actes, intérieurs, extérieurs, les membres, ainsi de suite. Je vous explique ça parce que je n'ai pas demandé la prison. C'est l'école de Youssouf alayhi salam. On ne va pas faire comme lui demander la prison. Mais quand je me suis trouvé face à la prison, je me suis dit comment est-ce que je vais réagir. Est-ce que je vais appliquer tout ce que j'ai appris ou est-ce que je vais commencer à me lamenter et commencer à craquer. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné la force de me rappeler tout ça et de pouvoir donc faire face donc à cette épreuve. Mais là, on rentre dans l'école du Tawhid al-Amal. C'est bien facile d'apprendre les règles de l'unicité d'Allah dans une classe, assis sur une feuille, les enregistrer. Mais une fois qu'on va te tester dans al-Amal, dans les actions, on va voir c'est quoi ton Tawhid. Et là, je me suis dit, j'ai reconnu la situation, je me suis dit, là, c'est Tawhid al-Amal. Alors, il faut prendre son courage à deux mains et se reposer donc sur Allah subhanahu wa ta'ala. Après, donc, les procès qui ont duré longtemps, mais tout ce qu'on peut entendre, vous étonner, c'est la suite, en fait, du procès de Cheikh et d'Abraouf en Italie. Où on apprend qu'on est à la tête du groupe Al-Qaïda, mais même pas Belgique ou quoi, Europe, et si pas mondial. Parce que quand on voit même les ramifications jusqu'en Somalie, au Mali, et je ne sais pas où, je ne sais pas comment ils ont trouvé. Donc toutes ces ramifications, c'est ce dont le frère parlait donc au début. Donc il suffit d'un petit contact, ou quelle que soit donc cette preuve, soi-disant, donc on vous met dedans, parce qu'on a envie de vous mettre et il faut faire fonctionner donc la machine. Bon, il y en a qui a été jugé à 11 ans, l'autre 8 ans, le frère, le fils de Cheikh, Abou Ahmed, moi 5 ans, et deux autres 3 ans, et un autre qui n'était pas présent 18 ans. On nous a pris directement en prison, et que vous me croyez ou pas, dès que j'ai passé le seuil de la porte de la cellule, j'ai senti le sakina, donc la quiétude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien qu'on vous enferme dans cette pièce de 2 mètres et demi sur 3,5 ou 4, ça dépend. On m'a d'abord mis donc à Forêt, qui est un peu plus fermée que Saint-Gilles. Forêt et Saint-Gilles, ce sont des maisons d'arrêt, ce ne sont pas des prisons. Donc c'est beaucoup plus fermé qu'une prison normale. Mais déjà, quand vous venez avec un dossier de terrorisme, vous avez les grades. C'est-à-dire qu'on vous met tout de suite tout seul en cellule. Donc vous n'êtes pas en duo ou en trio ou je sais pas quoi. Donc déjà, Allah subhanahu wa ta'ala vous met dans le luxe, dans cette épreuve, pour l'adorer lui. Et là, vous trouvez dans un luxe, on vous prive d'une certaine liberté pour vous punir, mais en fait, vous tombez dans une liberté sans limite, qui est celle d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Une liberté que j'ai jamais trouvée alors que j'étais dehors, jamais. J'ai jamais lu le Coran comme j'ai lu le Coran en en prison 4-5 fois par mois, impossible. Même une fois ici depuis que je sortais, je suis en train de lutter pour lire une fois le Coran par mois. Mémoriser le Coran comme j'ai mémorisé en prison, jamais. J'ai peut-être fait quoi, quelques 20-30 versets depuis que je suis sorti, alors qu'en prison, tout ce que vous avez à faire en prison, c'est penser à Allah subhanahu wa ta'ala, à vous repentir, à l'adorer, c'est tout ce que vous avez à faire. Alors moi je vous demande, est-ce que vous allez trouver une situation meilleure que celle-là? Bien sûr, on ne m'a pas torturé, etc. C'est une torture psychologique. Je comprends bien que c'est pour ça que je vous dis que mon cas n'a rien à voir avec les différents témoignages ici. Hein. Ça, c'est l'école des prophètes, des savants, des sahaba, des gens de l'islam. L'école de Yusuf alayhi salam, de Younes alayhi salam, lorsqu'il était dans le poisson. Là, il a une ta subhanaka wa ta'ala. C'est le doa qui l'a fait sortir. Bien sûr, les gens qui vont choisir le chemin des prophètes, des messagers, des savants, ainsi de suite, ils vont être éprouvés plus que les autres. Parce que les prophètes et messagers dans leur mission, ils ne peuvent pas faire quelque chose sans que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné l'ordre. Younes alayhi salam, il a juste voulu aller prêcher ailleurs parce que son peuple n'écoutait pas. Il s'est retrouvé dans donc le poisson. Youssouf alayhi salam en prison. Ibrahim alayhi salam, qui est notre père, dans la foi, dont les musulmans se revendiquent et appartiennent, lui, après avoir cassé les idoles, on l'a jeté dans le feu. Jeté, Jibril vient, dit Ibrahim, salam alaykoum wa alaykoum salam, si tu veux avoir subhanahu wa ta'ala fait venir l'ange de la pluie, il éteint le feu. Il dit non, de toi j'attends rien, mais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici t'as pris de l'amen. Une fois qu'il arrive dans le feu, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait vivre des délices. Eh bien c'est ça, on te jette en prison, mais Allah te fait vivre des délices en prison. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu lis sa parole, tu te rapproches de lui, tu fais ton qiyam l'il, et c'est tout ce que tu as à faire. Donc, c'est pour ça que je donne un peu d'espoir dans tout ce qu'on a entendu, que les frères, effectivement, ils ont besoin d'aide, de visites, de lettres, etc., pour, psychologiquement, mais ne croyez pas qu'ils sont malheureux. J'en ai vu deux, trois là-bas, ils ont tous le nom, ils sourient tout le temps. Ils disent « Alhamdoulilah, on est bien ». On profite, parce que quand on va sortir, on sait très bien que c'est fini. Donc, ça, c'est les gens qui comprennent de quelle religion, à quelle religion donc ils appartiennent, à l'islam, qui regroupe toutes les législations, les prescriptions, les adorations de tous les prophètes et les messagers, qui comprennent que Allah subhanahu wa ta'ala les a mis là d'abord pour leur bien. On ne va pas commencer à se lamenter. Yaqub alayhi salam, il a dit qala innama ashki huzni. Donc je me plains de ma tristesse, de mon chagrin que à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir perdu Yusuf alayhi salam et Benyamin, ses deux fils alayhi salam. Et c'est ça as-sabr. Allah, à maintes versets, appelle à nous aider de la prière et du sabr. Que Allah est avec sabiri. As-sabr vient de al-man' et al-habs. Donc l'empêchement et l'incarcération de la langue et des membres de se lamenter de l'épreuve dans laquelle je me trouve. Sa langue et ses membres de me déchirer, de crier, de me lamenter, ou même peut-être de dire des choses graves vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ma foi. Donc, c'est ça as-sabr. Lorsque tu vas te lamenter qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas pleurer devant lui, tu vas remettre toute ton affaire dans ses mains parce que tu es enfermé sur deux, sur trois. Le gardien, il vient ouvrir, qui dépend de lui. Donc, s'il veut être méchant avec toi, il donne le mot. Tu es enfermé et tu dépends tout pour lui, pour ta douche, pour ta cantine, pour sortir, et ainsi de suite. Mais quand tu te plains à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de toi et il met ces gens-là à ton service, qui non seulement te respecteront, et t'aideront même, parce que je demandais presque jamais rien aux gardiens. J'étais toujours occupé donc par la grâce d'Allah, donc à Allah, lire mon Coran. D'ailleurs, il y en a qui me regardaient un peu bizarrement, mais je ne faisais pas attention. Je ne sortais même pas donc au préau pendant des mois. Parce que lorsque vous avez ce rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et le Coran, vous mangez, et c'est tellement délicieux que le reste, vous ne voyez plus le reste. Donc, c'est ce témoignage-là que je souhaitais apporter, parce que il faut quand même dire que tous ces frères et ces sœurs, pour ceux que j'espère qu'ils se retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont dans cette adoration, leur dire de profiter, parce qu'une fois qu'ils sont dehors, ce sera la prison donc à ciel ouvert, mais la prison des contraintes, des responsabilités et des problèmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَحْزَنُوا Donc, ne désespérez pas, ne vous inquiétez pas, vous êtes supérieur si vous êtes croyant. Mais ici, c'est quoi cette supériorité? Parce que si vous devenez lâche en tournant le dos à Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des épreuves, quelles qu'elles soient, que vous salissiez votre cœur, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous donner la victoire. Le croyant musulman, il est meilleur parce que Allah lui a donné les seules choses avec lesquelles il peut nettoyer son cœur, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala pour ensuite avoir la victoire, qui sont le Coran et le Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien d'autre, aucune autre médecine, médicament, tout ce que vous voulez, qui peut nettoyer le cœur et le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous faire monter, et donc que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne donc la victoire. Donc c'est ce bref témoignage que je souhaitais donc rapporter, et pour vous dire que vos frères et vos sœurs donc sont dans la joie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les familles des fois même qui souffrent le plus, alors que lui, il est là à l'intérieur et il est tout joyeux. Barakallahu fik, Akhi Hamza. C'est vrai qu'après l'intervention de notre frère Bilal et celle de notre frère Hamza, on peut se demander qui est le plus à plaindre. Est-ce nos frères qui sont en prison et qui, alhamdulillah, se rattachent au tawhid, ou est-ce nous qui sommes là dehors et qui ne respectons pas les implications directes du tawhid qui sont l'alliance et qui ne leur apportons aucun soutien ou alors très peu. Je vais désormais, Inch'Allah, laisser la parole au frère Habib qui est coach, donc qui fait du coaching et qui va nous expliquer de façon pratique comment est-ce qu'on peut justement créer cette aide, Inch'Allah, amener cette aide à nos frères. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأصلي وأسلم على من بعث الرحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم انزل علينا سكينتك اللهم انزل علينا سكينتك اللهم انزل علينا سكينتك ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc je voudrais remercier les frères en fait du CRM pour leurs actions. Il n'y a pas beaucoup de gens qui agissent, il y a encore moins de gens qui agissent bien. Je vous remercie pour ça, Inch'Allah. Vous remercie à vous aussi qui êtes présents. Il y a des gens qui ne peuvent même pas en fait, se présenter maintenant à des conférences. Ils ont même peur de venir. Et ce qu'il disait le frère là, sur sur les prisonniers, et c'est vrai, ce qu'ils peuvent goûter comme bien-être, et dans quel malheur nous en sommes, je propose que la prochaine fois, on fasse une conférence pour nous spécialement. Après, ceci dit, la situation, je voulais faire parler de quatre choses, la situation dans laquelle on est, d'une manière générale, parce qu'en fait, on ne peut pas parler de la situation des prisonniers sans comprendre la situation générale, car la situation des prisonniers n'est que l'impact de la situation générale dans laquelle nous sommes. Ensuite, je voulais parler des causes de cette situation. De troisième point, de donner des solutions concrètes pour en sortir. Et parler aussi des. Pour finir, on parlera des prisonniers, Inch'Allah. Quant à la situation générale, Yanni, elle ne vous échappe pas, bien entendu. L'islam est attaqué de partout. Et même, on peut dire et employer le verbe, l'islam est terrorisé. D'accord ? Donc, c'est comique en fait. Hein. Vous ne trouvez pas que c'est comique ? Ils emploient le mot. Ils nous traitent de terroristes, alors c'est nous qui sommes terrorisés tout le temps. Alors, pour des gens qui souhaitent combattre le terrorisme, soi-disant, il faudrait quand même en fait, qu'ils cherchent, en fait, qu'ils fassent quoi ? Qu'ils se réveillent le matin, puis qu'ils se combattent eux-mêmes, en fait, qu'ils fassent des guerres entre eux, les pays aussi, l'Occident avec l'Europe, avec les États-Unis, pour en fait être cohérents. D'accord ? Donc, si on peut donner une définition du terrorisme, quand même, bien et simple, même si elle est comprise par tout le monde, elle n'est pas comprise de manière consciente. Parce qu'à partir du moment où ils ont réussi à manipuler les masses sur ça, ils ont créé en fait ce qui s'appelle une conscience, en psychologie, une conscience collective. D'accord ? Donc maintenant, il y a une compréhension collective du mot terrorisme et de qui est le terrorisme. En fait, ils ont changé la réalité de ce mot dans la conscience de milliards d'individus maintenant. D'accord ? Donc, même si les gens le savent inconsciemment, consciemment, c'est pas conscient. Et en fait, la différence entre le conscient et l'inconscient, c'est qu'à partir du moment où on peut conscientiser les choses, on peut plus agir dessus et on arrête de se faire manipuler. Donc si on peut donner une définition simple du terrorisme, on peut dire c'est faire peur violemment à quelqu'un, avec la parole, psychologiquement, et ça peut aller jusqu'aux actes ou aux tortures. Si on sait ça, et qu'on revient en 2001 et qu'on calcule, allez, on va dire 2001 c'est les musulmans. On va calculer Londres, c'est les musulmans. Madrid, c'est les musulmans. Ok, tout ça, ça fait combien ? Ça fait même pas 100 000. Alors on va calculer de l'autre côté ce qu'ils ont fait les États-Unis, on va arriver à des millions. D'accord ? Là, c'est sur des. Qui sont les terroristes ? Qui sont les vrais terroristes ? C'est eux les terroristes. Parce qu'en fait, il faut même arrêter de. Jusqu'au point où je vois maintenant, même les gens, en fait, ils se justifient. On n'est pas des terroristes comme ça. Vous voyez en fait, vous imaginez pour une cité en fait où les gens ils arrivent, t'es dans une cité, quelqu'un se fait frapper tout le temps, et puis après il se justifie auprès de la personne. On n'est pas à ce niveau-là quand même, on n'est pas au niveau où nous ont manipulé de telle sorte à ce que alors qu'on est terrorisé nous, et dans tous les sens du terme, devoir se justifier de ne pas être des terroristes. C'est comme si en fait ils ont fait quoi en fait ? Ce terrorisme, il faut le comprendre quand même, c'est que ce terrorisme c'est un terrorisme psychologique, d'accord ? C'est une guerre, une vraie guerre psychologique, mais il faut comprendre la nature de cette guerre. En fait, ils terrorisent les musulmans à pratiquer leur vrai islam. C'est ça en fait le terrorisme. C'est-à-dire que c'est même pas à pratiquer, c'est à essayer de vouloir. Vous comprenez la différence entre pratiquer et essayer de vouloir ? C'est que quand tu vas dans ta tête essayer de te programmer à pratiquer l'islam qu'Allah l'agrée, eh bien en fait tu vas te rendre compte qu'il va y avoir tous les problèmes. C'est pour ça qu'ils prennent des gens comme ça, en fait. C'est pour montrer l'exemple. C'est-à-dire, attention, si tu t'approches trop, c'est fini. Sinon, pourquoi on entendrait de la part de gens différents ou tout, « Ah, tu mets la barbe, tu vas en prison. Tu mets le kamis, tu vas en prison. » Bien que ces gens-là, souvent, c'est des gens comme nos parents, bien qu'ils n'ont pas de culture, pas forcément au niveau intellectuel, rien du tout. Mais qu'est-ce qui les rassemble ? C'est ce que je vous ai dit, cette conscience, ce qu'ils ont fabriqué de manière psychologiquement et de manière très vicieuse. Ils ont fabriqué une nouvelle définition du terrorisme. Et qui sont les terroristes ? Ils ont inversé les choses, d'accord ? C'est comme si, donc, en fait, si on donne une image, donc, ils nous empêchent de pratiquer le vrai islam. Si on veut donner une image, c'est comme si quelqu'un, depuis tout petit, il aime le football, il veut toujours jouer au football. Et puis, il a commencé à jouer au football, il aimait ça, et on l'a encouragé, il était même doué. Et alors, on l'a pris, et on l'a tellement battu, on lui a dit, toi, maintenant, tu vas jouer au rugby. Et tu vas toujours t'entraîner au rugby. Mais par contre, tu dis que c'est du foot. Bien sûr, lui, il sait que c'est pas le foot et le rugby. Même s'il y a des points communs entre les deux, c'est pas la même chose. D'accord ? C'est pas les mêmes règles. Mais il y a des points communs. Eh bien, on a tellement terrorisé, on lui a fait peur. N'oubliez pas, le terrorisme, c'est d'abord dans les cœurs, d'abord psychologiquement. On lui a fait tellement peur que maintenant, en fait, il se met à appeler le jeu auquel il joue, le rugby, le football. Et maintenant, tout le monde et tous les gens autour de lui, ils commencent à faire la même chose et appeler ce jeu auquel il joue le football. Et bien en fait, c'est ce qui se passe dans la communauté. Ils sont en train de. C'est pour ça que ça. Il faut comprendre ça, sinon on n'avance pas. C'est pour ça qu'en fait, maintenant, le vrai islam, il veut pas être pratiqué, ni dans les mosquées, dans les autres. Il tourne autour du pot. Il parle de mariage, il parle de divorce, il parle de ci, il parle de ça, il parle pas des vraies choses. Parce qu'en fait, ils ont même terrorisé des soi-disant leaders. D'accord ? Donc ça, c'est la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut comprendre une règle. C'est que le mal, il va pas s'arrêter. Jamais. C'est une règle. Allah, il a créé le bien et le mal, il va pas s'arrêter. Si le bien, il s'arrête, ou si une partie des partisans du bien s'arrête, eh bien forcément le mal prend dessus. Et si le mal prend dessus, on paye tous. Donc puisque le mal ne va pas s'arrêter, et nous avons le devoir de faire le bien, il faut faire le bien. Comment revenir ? Quelles sont les solutions ? Si on revient au Coran, la solution elle est simple. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وليمكنهم دينهم الذين ارتدى وليبدلنهم خوف أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا. الله il a donné toute la recette ici. Allah il commence, il dit Allah a certes promis, donc c'est une promesse d'Allah. Tout le reste qui va venir, ça va, c'est vrai, si on fait les conditions. Allah a promis à tout le monde d'entre vous. Non, Allah il a dit Allah a promis à un certain nombre d'entre vous qu'il leur donnerait c'est quoi les deux conditions ? Qui ont l'iman correct et qui ont fait des bonnes actions. Voici les deux conditions. Concrétiser l'iman véritablement et faire des bonnes actions. C'est quoi la promesse ? Allah a promis qu'il donnerait la gestion de la terre comme il l'a donné à ceux d'avant vous. Ici dans le commentaire tafsir, tu trouves dans le Mukaffil ou dans d'autres et tu regardes la situation de la communauté musulmane quand elle appliquait l'islam et quand elle a réalisé l'iman et fait des bonnes actions, les deux conditions qui sont présentes dans le verset, qu'est-ce qu'Allah il a fait d'eux ? Eh bien Allah il les a fait passer de l'époque du prophète Sassou où il est venu à Omar ibn al-Khattab, où les Chinois ont écrit une lettre à Omar ibn al-Khattab et ont dit on va te payer l'impôt. Ils ont payé l'impôt. Et Omar il a répondu comment ? Il a dit oui, mais faites telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il a rajouté des conditions et ils ont dit oui. D'accord ? Donc à cette époque-là de Omar, l'islam il avait pris à peu près un quart ou un tiers, voire plus ou moins, de la terre. Avec quoi ? Ils étaient riches ? Non. Ils étaient nombreux, ils n'étaient pas forcément nombreux. Ils avaient l'iman, ils ont concrétisé les deux actions. Faire l'iman et faire des bons actes. Parce que sinon on va se perdre longtemps, on va se revoir dans 10 ans, et puis on va repartir. On ne peut pas agir en fait sur on ne peut pas agir correctement quand on veut agir pour régler les problèmes, sur les conséquences du problème. On doit agir sur la base. Imaginez qu'ici maintenant, il y a dans cette pièce, à chaque fois que tu allumes la lumière, les ampoules sautent. Et puis quand tu vas faire les ablutions, l'eau, elle coule de partout. Alors on a de la bonne volonté, on fait quoi ? On dit, venez les frères, toi tu vas acheter des ampoules, toi tu récoltes de l'argent, et puis toi tu vas les mettre les ampoules. Et puis toi tu vas mettre de l'eau, et puis toi tu vas chercher la serpillière. D'accord ? C'est bien comme ça. Mais tous les jours on est obligé de faire ça. Mais il y en a un qui vient, l'électricien, il dit, attendez, arrêtez de changer les ampoules. Allez voir à la base, c'est dans l'électricité qu'il y a un problème. Là-bas vous êtes dans le compteur, vous refaites les fils une fois pour toutes. Et là-bas, dans l'eau, il y avait une fuite. D'accord ? Donc là, c'est pareil, il faut revenir et faire l'iman. D'accord ? Concrétiser l'iman. Et concrétiser l'iman, même si ça demande des efforts, c'est possible pour chacun d'entre nous. Maintenant, bien entendu, eux, ils sont malins. Eux, pourquoi en fait l'islam, ils l'ont choisi ? Qu'est-ce qui les gêne dans l'islam ? Il y a deux choses qui les gênent dans l'islam pour lesquelles ils combattent. La première, c'est les valeurs que l'islam a en lui-même, dont la justice. C'est-à-dire que si l'islam est présent, ça veut dire que la justice est présente. Si la justice est présente, tous ces voleurs, tous ces crapules qui gouvernent le monde, ben, ils vont plus rien avoir, ils vont rien avoir, donc ils ne sont pas prêts à perdre leurs intérêts. Comme disait Abu Jahl, il a dit, il y avait son neveu, il lui dit, tu crois pas en Mohammed ? Ils étaient que tous les deux. Il a dit, oh Allah, je crois en lui. Il dit, mais nous on a eu du mal à avoir les clés de la Mecque, tu crois qu'on va lui donner ? Mais au moins ils étaient nobles, ils faisaient pas comme toutes ces pourritures maintenant. Ils étaient nobles, ils avaient une certaine noblesse par rapport à toutes ces pourritures de maintenant. Donc je disais deux raisons principales, les valeurs que l'islam porte en lui et la justice. Et la deuxième chose qui est importante aussi, c'est que l'islam quand il est appliqué, il est imbattable. Regardez quand on voit des témoignages comme ça. Un frère, on ne le connaît pas, tu lui en crées une lettre. Quelqu'un dans la rue, le professeur Mehdi, passez le salam à ceux que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Les gens ne comprennent pas ça. Les gens, eux, c'est... Ils s'aident, ils s'aiment, quand ils se connaissent, sinon il n'y a pas ça. l'islam il porte tellement des valeurs élevées, tellement des principes élevés et parfaits, et Allah il a garanti qu'il y aurait le dessus la victoire, qu'en fait il faut déployer plein d'efforts pour essayer de le combattre, mais même comme ça ils n'y arriveront pas, mais c'est pas la question, parce qu'on sait que l'islam va dominer. La question c'est qu'est-ce que nous on va faire pour que ça domine. Pour ne pas rester trop longtemps sur l'iman, comment je vais vous donner une ou deux choses pour concrétiser l'iman et avancer, inshallah. L'iman il se concrétise par deux points, et pour plus vous pourrez aller vers une série de cours que je fais sur l'iman en français qui est filmée. Là on en est à 3 ou 4 cours, inshallah, on rentre dans les détails. En tout cas l'iman il se concrétise par deux choses: science et action. Et il s'annule ou il descend par ces deux choses: ignorance et péché. D'accord. Donc quant à la science, il faut commencer par ses bases, donc savoir les noms d'Allah, les attributs et tout ce qui concerne. Et les actions, c'est ce que le frère tout à l'heure il disait, c'est qu'en fait, si tu as juste des théories, tu ne peux pas avoir iman, il faut concrétiser. D'accord. Il faut concrétiser et faire des actions. Alors l'action que je vous invite à tous faire, c'est se concentrer à avoir le khushu' dans la prière, à se concentrer à avoir en fait, avoir la concentration dans la prière, parce qu'en fait, ça va t'obliger en fait à éviter les deux choses qui enlèvent l'iman, c'est-à-dire l'ignorance ou l'insouciance et les péchés, d'accord. Donc la salat, la prière, c'est le thermomètre de la foi. Et je finis sur ça pour l'iman. On doit avoir entre nos yeux, on met ce hadith-là dans nos yeux. Toujours on le regarde comme s'il est devant nous. C'est quoi le hadith? C'est Allah SWT a dit dans le hadith Qudsi: celui qui déclare la guerre à un de mes alliés, celui qui s'en prend à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Ici, c'est comme si ce hadith il est tombé à un musulman. Il dit quoi? Allah il me dit que si je suis un de ses alliés et que quelqu'un veut s'en prendre à moi, il va me défendre et en plus de ça, il va déclarer la guerre à l'autre. Si ça tombe dans le cœur d'un musulman, c'est pas les CRS qui vont défendre, c'est pas l'armée, c'est pas les gendarmes, c'est Allah, celui qui, quand il veut une chose, elle dit soit elle est, celui qui est l'aziz le puissant que personne ne peut battre, celui qui a les plus hauts attributs, car le seul qui, quand il dit une chose, je vais la faire, il va la faire, c'est Allah, c'est tout. Le reste, on sait pas, on doit dire Inch'Allah, on sait pas. D'accord? Donc le musulman, il se dit, mais comment faire? C'est comme s'il demande la recette. Eh bien, la recette, elle vient dans la suite du hadith. Le serviteur ne s'est jamais rapproché de moi de meilleure manière que par les bonnes actions, en tête le tawhid. Et il ne cesse de se rapprocher de moi, donc par les surrogatoires, jusqu'à que je l'aime. Il est ici, le point. Et si je l'aime, je suis son ouïe avec lequel il regarde, son ouïe avec lequel il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il prend, ses pieds avec lesquels il marche. Et quand il me demande, Ya Rabbi, protège-moi, Ya Rabbi, donne la victoire aux musulmans, etc., je lui donne. Et regardez la fin du hadith, c'est juste pour augmenter notre amour sur Allah. Et Allah, il dit quoi à la fin? Et il n'y a pas une chose qui m'est détestable, plus qui est détestable à mon serviteur, et mon serviteur n'aime pas la mort, je n'aime pas ce qui est détestable à mon serviteur. Regardez comment Allah il est, subhanallah. Nous on est ingrat avec Allah, parce qu'on est gentil avec tout le monde, et on délaisse Allah à chaque fois, on le met en dernier dans nos vies, dans nos pensées, dans tout ça. Même quand quelqu'un nous fait du bien, on est reconnaissant, on n'oublie pas, mais on oublie tout le temps le bien qu'Allah, subhanallah, il nous fait. Donc c'est ici, pourquoi? Parce que proportionnellement à nos faiblesses, dans l'iman, on ne va rien faire. On ne va rien faire sur rien, et ce qu'on fera, ça ne va rien servir. Parce que tu vas faire dawa dans quelque chose, après Allah il va t'éprouver, après toi-même tu vas plus savoir tenir. Et puis tu vas faire des doigts, ils ne vont pas passer, etc., etc. D'accord? Donc quand tu auras un nombre, il faut comprendre qu'on est une communauté et que l'addition, c'est une addition commune. D'accord? Parmi les choses qu'ils ont fait pour nous affaiblir, c'est qu'en fait, ils ont fait de nous une communauté, des individus isolés. Et nous, il faut qu'on fasse exactement le contraire. C'est des individus isolés qui vont se mettre en communauté. Donc il faut comprendre en fait comment se passe la victoire et la défaite. C'est un ensemble d'individus musulmans, comme Allah l'a dit dans le verset tout à l'heure, qui concrétisent l'iman en quantité et en qualité, et après Allah donne la victoire. Donc il faut surtout pas se dire, non je peux rien faire, et non je peux rien. Non, parce que c'est des actions comme ça. D'accord? C'est l'effet cumulé des actions. L'effet cumulé comme ça. Une montagne, c'est pas une pierre. Une montagne, c'est un ensemble de pierres qui tient debout. C'est pareil pour les actions. Toi, tu fais des actions, tu t'améliores. Donc on doit faire quoi sur ce point? Pour être concret, on doit faire un programme et améliorer nos imams et être sérieux sur ça et avoir conscience que soit on est une cause pour que l'islam y monte, soit on est une cause de la défaite de l'islam. D'accord? Et comprendre ça, c'est toujours pas suffisant, Yannick, pour agir parfois. Pourquoi? Parce qu'il peut rester des peurs, il peut rester certaines choses qui empêchent les gens d'agir. Comment faire? En fait, il faut comprendre une règle qui est très simple. C'est que il faut comprendre que ne pas agir, c'est plus difficile que agir, contrairement à ce que les gens croient. Pourquoi? Parce que si tu n'agis pas, en fait, tu crois à l'abri de certaines choses. Quand? Fille de donner avec les créatures, c'est tout. Parce que de toute manière, Allah, s'il veut t'éprouver, il t'éprouvera et c'est pas sûr que tu sois éprouvé dans la vie d'ici-bas. Ça, c'est dans le cas où tu agis. Donc, si tu agis et que tu es sincère, tu peux être éprouvé. Mais si tu es éprouvé, Allah il va protéger ta foi, il va augmenter ta foi elle va être élevée, de toute manière, tu seras gagnant. D'accord ? Et tu auras une bonne fin, bi'idhnillah. Ça, c'est si tu agis. Mais si tu agis pas, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, certes, tu vas rester chez toi, tu vas rien faire pour l'islam, tout va bien se passer, les gens vont bien t'aimer, et on est dans le monde des bisounours, tout se passe bien. Mais après quoi, tu as des problèmes avec Allah dans l'au-delà. Et comprendre en fait que l'épreuve des gens, et c'est ce qu'Allah dit dans le verset, et parmi les gens, ils font de l'épreuve des gens, et parmi des gens, il y en a qui font de l'épreuve des gens comme un châtiment d'Allah. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. Soit le châtiment d'Allah, c'est longtemps, et ça reste longtemps. Donc on doit comprendre que ici, en vérité, ne pas agir, c'est plus difficile qu'agir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, en général, ils agissent selon leurs intérêts. C'est-à-dire que si maintenant je te dis, tu restes ici après la conférence et on va te donner 1000 euros ou tu pars dans une autre conférence et tu as 10 euros, tu restes ici. Pourquoi ? Parce que tu as calculé 1000 euros, c'est mieux que 10 euros. Eh bien, c'est la même chose dans le fait de pas agir. Pour l'islam, on est en danger. On est en danger parce qu'on n'a rien à présenter. D'accord ? Maintenant, on va passer aux causes pour les prisonniers, Inch'Allah. Puisque maintenant, on a parlé du général et on parle du particulier. Pour les prisonniers, ce que je vois comme cause, c'est qu'il faut vulgariser la situation des prisonniers et en parler de telle sorte à ce que ce soit normal. D'accord ? Deuxième chose, il faut avoir s'attirer la masse avec nous le plus possible. Puisque la masse, même si elle ne réfléchit pas, elle peut avoir des bonnes qualités et des bonnes valeurs, il faut essayer de les attirer, ils peuvent aider et peser dans la balance. De même qu'il faut montrer, troisième chose, les incohérences de leur système et leurs fausses valeurs qui sont comme un ballon en fait gonflé. Dès que tu t'approches, tu le touches, il explose. Il n'y a pas de valeur. Égalité, fraternité, justice, tout ça c'est du vent, il n'y a pas. Toute personne qui connaît bien la société de l'intérieur, elle va quand même se rendre compte qu'il n'y a pas ces choses-là. Donc en fait, montrer ces choses, notamment à la masse, et pour que, en fait, que les gens en fait, se rendent compte que même eux sont en danger. Même eux sont en danger, ils risquent de l'être. De même, parmi les causes, c'est communiquer donc dessus, sur ces choses-là avant, communiquer le plus possible sur Internet, sur Facebook, par vidéo, de tous les domaines, en face à face, et changer de style de vie. Parce que si on ne change pas nos styles de vie, dans 10 ans, on va se revoir, on va faire une conférence. D'accord ? Aujourd'hui, en fait, vous avez vécu des émotions comme moi j'en ai vécu. De la tristesse, de la déception, de l'incapacité, se sentir incapable de comment faire pour sortir cette situation, peut-être de la colère. On a tous vécu des émotions. Qu'est-ce qui est demandé ? Il nous est demandé de gérer ces émotions d'une manière correcte, de telle sorte à ce que ces émotions sortent en action correcte, pas faire n'importe quoi. Tu ne veux pas sortir, taper un belge, allez, tiens, bah ! Il a fait quoi, lui ? D'accord ? Et tu ne vas pas aller dormir chez toi déprimé, donne-moi un aspirine, maman, je dors, et pendant 3 mois, on ne t'entend pas. Non, tu gères tes émotions de telle sorte à ce que tu canalises tout ça et tu le sortes en action. Donc parmi les causes aussi qui peuvent aider, c'est faire des commerces. Faire des commerces, de manière, regardez par exemple, tout le temps, j'étais au Bourget, et c'était il y a 2-3 semaines, je dis, c'est quoi ce système d'oiseaux qui viennent picorer ? La communauté, on voit qu'elle est basse. Il n'y a que des demandes de l'argent. On ne peut pas produire de l'argent, nous. Donner au lieu de tout le temps demander. Alors, quand tu veux donner pour une association, pour son habile, moi, je trouve que c'est mieux de faire, par exemple, une collecte, une fois, tu vas demander, par exemple, 30 000 euros. 30 000 euros, ça semble beaucoup, n'est-ce pas ? Mais c'est que 60 fois 500 euros. Donc, tu demandes à 60 personnes sincères de donner 500 euros, et tu trouves une sandwicherie, tu fais travailler deux frères, cette sandwicherie peut gagner 1000 euros, 1500 euros de bénéfices, et tu lui donnes pour son habile, et khalas. À la rigueur, même tu dis aux gens qui sont rentrés, on vous rend votre argent, vous le prêtez, et bénilès, ça marche, et tu fais l'étude de marché, tu fais les causes. Donc faire des commerces, pourquoi ? Parce qu'on a besoin de faire des commerces pour devenir indépendamment financièrement. D'accord ? Faire passer et sensibiliser les autres à la situation des prisonniers. Huitième chose, leur rappeler la grandeur des récompenses, comme le frère le disait. D'accord ? Moi, personnellement, un jour, j'étais sur le site de Sanabil. Subhanallah, j'ai lu une lettre d'un prisonnier et j'ai pleuré. Et je dis, subhanallah, je pleure sur une lettre d'un prisonnier. Comment c'est celui qui a écrit directement au prisonnier les doigts que ce prisonnier va faire vers Allah ? Parce que forcément, si j'ai pleuré devant la lettre, c'est qu'il y avait de la sincérité dedans. C'est-à-dire, comment l'effet de la sincérité, il a fait ça sur mon cœur, comment ça peut être la relation que ce prisonnier va avoir ? D'accord ? Et comme disait le frère tout à l'heure, lui, il est dans de bonnes conditions, sinon optimales, pour avoir une bonne relation avec Allah, tu fais des choses pour lui, tu vas être gagnant. À partir du moment où on a un temps limité, de l'argent limité et des énergies limitées. Il faut qu'on les investisse dans des choses qui vont nous rapporter le plus en termes de hasanat. Et moi, je vois que les prisonniers, ça rapporte beaucoup. Tu passes une heure, tu écris une lettre, mais une lettre, ça rapporte beaucoup. D'accord ? Huitième chose, je parlais de donner des noms, donner des dons. Donc, pour finir, tout ce que les personnes ont dit depuis le premier qui a parlé, yani, depuis Arnaud, depuis les deux sœurs, depuis le frère qui a parlé, Hamza, depuis Sanabi, depuis tout le monde jusqu'à moi. Ok, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans nos vies? Quel type d'action concrète on va mettre en place? Parce que si c'est pour sortir et refaire le monde, comme les gens le font, vous savez, des fois moi je dis quoi? Refaire le monde, c'est quoi? Des fois on est devenu Starfall là comme les gens qui vont dans le bar, sauf qu'on ne prend pas d'alcool, tu vois. Tu les trouves avec une bière en train de refaire le monde. Ouais, c'est passé ça, ça, ça, ça, ça, c'est tout, ils partent. Nous, des fois on refait le monde comme ça, mais sauf que c'est autour d'un sandwich et une canette, on refait le monde, c'est ça. Rien ça. Et encore, si on faisait le monde correctement, en diagnostiquant correctement, ce serait déjà pas mal, mais souvent les diagnostics en plus ils sont faux. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire pour les deux points dont on a évoqué, le grand point qui est la situation de la communauté et le deuxième point qui est la situation particulière des prisonniers. Ce que je m'invite à faire et à vous-même aussi, c'est prendre une action ou deux actions que vous allez faire, que vous allez suivre. Et là je parle d'une ou deux actions pour les prisonniers, sinon quand ils... En ce qui concerne, ça dépend en fait, vous êtes dans deux solutions possibles. Soit vous pouvez faire régulièrement, dans ce cas-là, pour les prisonniers, là je parle, prenez des actions régulières que vous allez faire, soit un rythme une fois, trois fois, cinq fois dans la semaine, ou donnez un temps, mais faites-le de manière régulière, selon ce que vous pouvez faire. Je sais qu'ils étaient à la recherche des gens pour faire la vidéo, webmaster, des traducteurs arabes en arabe, et puis des gens qui écrivent des courriers. Et aussi, je pense qu'ils ont besoin de gens qui parlent d'eux. Donc, selon ce que tu peux faire, ça c'est la première solution. Si tu peux nous donner du temps régulièrement, on parlait d'actions concrètes. Sachez qu'en termes d'objectifs, quand on veut atteindre des objectifs, la meilleure manière d'atteindre des objectifs, c'est à partir du moment où tu sens de la motivation, et normalement vous avez de la motivation, c'est d'agir directement et de trouver une ou plusieurs causes avec lesquelles tu vas agir. Donc, directement, tu vas sur le site de Sanabil et tu dis, voilà, ou sur le Facebook et tu dis, j'ai été... Et voilà, je veux faire ça, je peux donner ça, et il y a des papiers, je crois, à remplir. D'accord ? Ça, c'est en ce qui concerne Sanabil. Si tu ne peux pas donner du temps régulièrement, alors essaye de faire 10 actions. Tu marques sur un papier, tu dis, voilà, 10 actions. 10 actions, ce n'est pas beaucoup à faire. Ça, c'était pour Sanabil. Quant à nos fois, il faut faire un programme, et je finis sur ça. Il faut comprendre des règles divines, universelles, qu'Allah il a fait. Si tu veux que les choses changent, il faut que tu changes les choses. Si tu fais tout le temps la même chose, ta foi sera tout le temps la même. Si tu ne peux pas, on n'est pas dans un film. On est dans la vie réelle et on va mourir pour de vrai. Donc on n'est pas dans un film tout le temps, je vais faire, peut-être, c'est pas des bandes dessinées, c'est pas un film. Si tu ne changes pas ta vie, ta foi ne peut pas changer. Si tu ne changes pas des actions concrètes, ta foi ne va jamais changer. Et si tu meurs dans une foi comme ça, la question c'est est-ce qu'on est prêt à rencontrer Allah comme ça? Donc, faire changer des choses dans sa vie, tu dois, pour la foi, faire deux choses sur deux points. Change deux mauvaises habitudes. Il y a une ou deux choses qui t'empêchent d'aller vers Allah, tu les connais, tu les fais. Peut-être que tu as de mauvaises fréquentations, peut-être que tu fais un péché, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, peut-être que tu as de mauvaises fréquentations, et bien change deux choses, qui les marquent. Et deuxième chose, prends de bonnes habitudes, deux bonnes habitudes. Les deux bonnes habitudes que j'avais conseillées, c'est la première, tu fais t'adores Allah le matin et le soir, une demi-heure, c'est la première chose que tu fais le matin. Et le soir, une demi-heure, c'est la dernière chose que tu fais. Si tu dors et tu meurs avec une bonne faim. Et la deuxième chose, tu te concentres sur la prière. Tu fais ça. Ça, tu le fais pendant 3 semaines, 1 mois. Après, tu avances dans le programme. Si tu fais ça pendant 3 semaines, 1 mois, tu auras pris des habitudes et tu pourras faire plus, Inch'Allah. Et il y en a pour la communauté, il faut qu'on pense, qu'on soit communautaire et qu'on pense. On doit avoir souci de la communauté. Si on oublie comme ça, je sais très bien que cette société, ils mettent les gens dans un piège. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour que tu oublies. Tu vas sortir, tu vas oublier, peut-être tu vas aller chez toi, tu vas trouver la musique, tu vas trouver la télé, tu vas trouver une autre ambiance. Mais il faut le faire, Inch'Allah. Et la question, il y avait une question tout à l'heure, je me mets sur ça, c'était quoi la question? La question c'était, est-ce qu'Allah punit les musulmans en envoyant les Américains et les Juifs à cause des mauvaises actions? On a dit sur ça, c'est... Une partie de punition, une partie pour, c'est un cadeau pour réveiller. Et tout ça, on doit comprendre, c'est pour passer à l'action. Parce que, alhamdoulilah, pour l'instant aussi, donc je finis sur ça, il faut comprendre. Pour l'instant, regardez, alhamdoulilah, on est sain et sauf. On n'est pas torturé, on n'est rien du tout. Vous voulez attendre quoi? D'être torturé pour dire j'avais besoin, j'aurais dû agir avant? Donc maintenant, mettez-vous dans la situation, trouvez une valeur qui est importante pour vous. Si vous aimez bien, si la justice est vraiment importante pour vous, ben dites-vous, est-ce que je suis juste avec Allah, en agissant comme ça? Si la gratitude c'est important, dites-vous, est-ce que je fais preuve de gratitude envers Allah? Trouvez, vous avez des valeurs qui sont importantes pour vous, trouvez-le, au moins une, et mettez-la en place. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, je demande à Allah avec ses plus beaux noms, ses plus beaux attributs, de nous faciliter tous, de faire de nous des gens qui aident cette communauté, de nous donner une bonne fin, et de nous donner un iman qui est fort. Wallahu ala wa a'lam, alhamdulillah, rabbil alamin, wa barakallahu fikoum. Nous allons passer, Inch'Allah, aux questions-réponses. Nous en avons déjà quelques-unes, donc on va commencer par celle-là. Mais d'abord, est-ce que le frère Al-Hussein est encore là? Encore là? Inch'Allah, tu vas pouvoir témoigner, mais tu as 5 minutes, Inch'Allah, si tu veux bien. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana ismi Al-Haski Al-Hussein. يعني كنت سجين في بلجيكا وكنت بتهمة الإرهاب يعني 7 سنوات وثلاث أشهر وواحد وعشرين يوم فحكمنا بلا Le frère s'appelle, le frère dit qu'il a été incarcéré en Belgique pendant 7 ans sous l'inculpation de terrorisme. Je vais essayer de traduire du mieux que je peux. حكمنا يعني هنا في بروكسل يعني دخلنا في 2004 il a été jugé en 2004 7 ans de prison دخلنا en prison 2004 نعم entre en prison 2004 حكمت في 2006 بسبع سنوات et c'est en 2006 qu'il a été jugé en coup d'année à 7 ans de prison بعد ذلك ذهبنا للاستئناف بقي الحكم نفسه. Ensuite, donc, ils ont fait un appel et le jugement a été le même. Après, ensuite, donc, ils ont porté l'affaire en cassation et ça a été la même chose, le même jugement, à savoir 7 ans. Après, ils sont partis chez la Cour européenne qui a cassé le jugement et qui donc leur a donné raison. Il dit que ça a été 7 ans d'injustice et donc qu'ils ont été incarcérés à cause de témoignages qui sont venus à partir du Maroc et de France. D'accusations du Maroc et de France. Faux témoignages. Donc maintenant, ils vont demander s'il y a un nouveau jugement en Belgique. Donc il était à l'isolement à la prison de Forêt pendant 3 ans. Il y avait une pression psychologique contre eux, qui avait donc des tortures, qui faisaient frapper. Ils ont été interdits de Coran, interdits de nourriture halal, interdits de visite. Pendant 6 mois, il n'a pas pu utiliser le téléphone pour appeler sa famille. Même les visites à travers une vitre, donc un parloir à travers une vitre, ont été interdites pendant 6 mois. Quand je suis rentré en prison, j'avais un fils qui avait 3 mois. Il ne le voyait qu'à travers donc le plexiglas. يعني حاولنا يعني أن ندافع عن حقوقنا ولا شيء كلما تطلب شيئا يقول فوزت دون ريجيم اكسترا pendant 3 ans ils étaient à l'isolement lui et d'autres frères et qu'ils sont battus pour leurs droits et qu'à chaque fois ça leur a été refusé en leur disant vous êtes dans un régime spécial. لا ترى الطبيب كان possibilité de voir un médecin. وضعونا في سيلول ما زال اتذكر 1035 افوري عندها محرك دائما صداع لا تفتح شباك 24 ساعة على 24 ساعة محرك موتور donc ils étaient mis dans une prison enfin dans une cellule qui était tout proche d'un moteur qui la masna على الباقي المحرك ثم موتور et que pour ouvrir la fenêtre le ventilateur qui tournait 24/24 impossible d'ouvrir la fenêtre. Ils ont été interdits d'étudier la langue française. Les choses les plus insignifiantes ont été interdites, jusqu'à même des livres. À chaque fois, ils avaient droit à une fouille à lui, en fait. فكانت الظروف صعبة جدا. وبعد ذلك يعني بعد ما قضينا ثلاث سنوات مررت بعدة سجون. ensuite après avoir passé 3 ans en forêt, il est passé par transféré à d'autres prisons, plusieurs prisons. طبعا بعد ثلاث سنوات أصبحنا في سجون أخرى ولكن رجيم آخر رجيم سبيسيال. Donc ils ont été donc dans d'autres prisons avec un nouveau régime. فكانت الظروف نفسها دائما صعبة. Mais les conditions étaient pareilles, tout autant difficiles. فأتذكر في فوري كنا لا نخرج لبريو ساعة يعني مدة سنة أو سنتين. Pendant au moins un an ou voire deux à Forêt, ils ne sortaient même pas en promenadeur. فالألم الصحي يعني عندنا ألم في الركب، ألم في الظهر، ألم في العين. Donc il dit qu'il se plaint de plusieurs maux, que ce soit au genou, que ce soit au dos. Dans les yeux aussi. Donc même sa famille souffrait de cette situation et pendant 6 mois ils n'ont pas pu les appeler. Et même lorsqu'ils ont eu le droit de téléphoner, il y avait à chaque fois un surveillant qui était tout près. Et quand ils sortaient en promenade, il y avait à chaque fois deux personnes, deux surveillants avec eux. نحن رفعنا ضد الدولة البلجيكية قضية تورتير بلونش. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont porté plainte contre le gouvernement belge par rapport à ces tortures. فالآن يعني بعد 7 سنوات تخرج على أنها دخلنا عندنا أكثر من 70 دوسي أو 70 كارتون. Il y a photocopie de Riyad Saleh et Bukhari, rien. Donc il dit qu'ils avaient les 70 chaînes d'inculpation, mais qui étaient vides, vraiment vides en fait. Il n'y avait aucune preuve contre eux. Le Maghreb, il y a un mandat d'arrêt marocain, mais maintenant il a arrêté. Il y a un mandat d'arrêt marocain contre lui, qui maintenant n'est plus d'actualité. Le Maroc a demandé l'extradition. Ça, je pense que vous avez expliqué. Ok, merci. Barakallah. Nous avons encore deux petites questions qui ont été posées, qui sont posées à Habib, donc il va y répondre, Inch'Allah. La question c'est, j'ai peur de l'épreuve, d'être éprouvé, mes parents ne pourront pas supporter cela, mes études peuvent se voir entravées. À la Kulihal, tout à l'heure quand j'ai parlé d'Iman, je ne dis pas aux gens de se jeter dans la gueule du loup, je ne dis pas aux gens de devenir des supermans, on a dit concrétiser l'Iman et faire ce qu'on peut. Peut-être une personne elle va avoir un Iman bien, une bonne relation avec Allah, jeûner, faire des choses... Et puis elle va faire qu'il y a une ligne et Allah il va accepter ses doigts. On n'a pas dit de vous transformer, il ne faut pas aller faire des choses, tu ne peux pas après. Chacun sait où il en est. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que de manière générale, dans la communauté en France, en Belgique, c'est à peu près pareil. La plupart, on ne fait pas. Donc on va repasser de on ne fait pas, on devient Amal Mkhattab et on va aller affronter Quraysh directement. Oui, il y a encore une question qui avait été posée pour le frère Bilal, Inch'Allah. Donc la question dit, salam alaikum, j'aimerais avoir des nouvelles de l'ex-chanteur Loun qui est devenu musulman et s'est fait arrêter lors de sa venue en Belgique pour donner une conférence, merci. En ce qui concerne ce frère, donc on lui avait écrit des lettres quand il était incarcéré en Belgique, on n'a pas eu de réponse. À l'heure d'aujourd'hui, on a son adresse aux États-Unis, on a écrit des lettres, mais pour l'instant on n'avait aucune réponse. Donc on n'a pas de nouvelles le concernant. Donc pour ceux qui veulent poser des questions dans le public, il y a un micro qui peut circuler. Donc levez la main, Inch'Allah, et on verra. J'aurais juste une petite question. Comment on fait pour visiter des détenus? Quelle est la démarche? Alors, pour visiter les détenus, en France, la démarche, il faut faire une demande. En fait, le détenu, soit il a déjà été condamné, ou soit il n'a pas été condamné, donc il est prévenu. Généralement, si c'est un prévenu, la demande est à faire auprès du juge d'instruction, donc souvent c'est au tribunal de Paris. S'il est condamné, la demande est à faire directement auprès de la prison. Donc alors il faut faire un courrier, envoyer donc une photo d'une pièce d'identité, un justificatif de domicile, et écrire une lettre, les raisons pour lesquelles vous souhaitez visiter une telle personne. Et ensuite vous les envoyez, donc vous l'envoyez soit à la prison, soit au juge d'instruction. Et par rapport à ça, alors après il y a des prisons qui vont peut-être vous demander d'autres éléments. Moi je sais que par exemple, certaines prisons, en fait, elles n'ont pas toutes le même régime de prison. Certaines prisons vont faire une enquête, d'autres vont pas du tout en faire. D'autres prisons vont vous demander un casier judiciaire. Donc ils veulent une photo de votre casier judiciaire. Et puis je sais que par exemple, pour un frère que je visite, on m'a même demandé les actes de naissance de mes parents. Et le frère qui était en prison, quand il a pris ça, lui-même il est monté au créneau, il s'est énervé par rapport à l'administration, il leur a dit mais vous demandez des documents que vous n'avez pas du tout à demander. Et après donc ils ont reconnu leur tort à ce niveau-là. Donc voilà, c'est une demande écrite à faire, soit à un juge, soit à un directeur de prison, qui ensuite accepte ou pas votre demande. Et donc des fois ça peut être très rapide. Le dernier permis, je l'ai obtenu, prend même pas 2 semaines, comme des fois ça peut durer plus de 8 mois ou 1 an et être toujours en attente. Mais ils répondent toujours soit par un refus. Alors quand vous n'êtes pas un proche de la famille, ils peuvent refuser, mais voilà, il faut faire la demande. Voilà. Donc j'aimerais bien que si les Fabel peuvent nous dire comment faire pour la Belgique, Inch'Allah. Quitte à même envoyer un mail sur le site de Sénabil pour nous dire ce qu'on va dire. Oui, ça va, comment faire pour le gâteau? En fait, c'est pas vraiment une question. Je voulais attirer l'attention sur le fait que je pense qu'il y a quand même un nombre considérable de gens dans la Oumma qui n'osent pas aider. Pourquoi? Parce que justement, c'était, le sujet a été, je pense, effleuré par le frère tout à l'heure. On est vite sujet à des pressions, quoi. On est vite sujet à des pressions d'ordre divers. Moi, par exemple, suite à des propos ayant mal été interprétés avec un frère au téléphone qui s'est retrouvé en prison par la suite. Ils ont demandé qui j'étais, alors que qui est cette personne, donc la brigade antiterroriste, tout ça, alors que je suis handicapé, totalement inoffensif pour le pays. Donc, je veux dire, il y a quand même après, il faut vraiment être attaché à la personne qu'on essaye d'aider, quoi. Et c'est ça qui est pas facile à réaliser, d'être cet attachement en fait fraternel. Je crois qu'il faut vraiment créer un lien pour ensuite avoir envie d'aider la personne, parce que ça peut avoir des implications, donc et voilà. Je ne sais pas si on a bien compris ce que je voulais dire. Non, mais on a compris. Il y a 2 choses importantes dans ce que tu dis. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de Oumma. Parce que quand on revient comme Oumma, comme communauté, ils vont faire quoi? Ils vont enfermer des milliers de gens. Ils vont pas enfermer des millions de gens. C'est-à-dire que là, c'est un travail à chacun de comprendre c'est quoi une Oumma. On n'a pas de meilleure âme que de faire peur aux gens par Allah. Et de meilleure âme que de faire peur aux gens par l'enfer. Et quand tu fais pas des choses, des gens vont être menacés quand même. Il faut aussi avoir conscience de ça. Et même si, là, par exemple, il y a des gens qui ont agi, entre ceux qui ont parlé et vous qui êtes venus, il y a des actions. C'est une certaine prise de risque, même si c'est des minimes. Mais les gens qui n'agissent pas, ils sont aussi dans le risque. Il faut leur expliquer. Et ils vont pas avoir peur jusqu'à ne pas le faire. Après, la deuxième chose, un point que tu as évoqué qui est important, il faut faire attention. Moi, j'entends des frères, ils rigolent trop. Des fois, ils font n'importe quoi. Ouais, passe-moi la calache, vas-y, je vais mettre une bombe, machin. Mais il faut prendre conscience dans quel contexte on est. Et ils peuvent se servir d'un mot pour rien. Un frère, il a fait une vidéo. Et puis il n'a même pas fait attention, derrière il a mis un anachite, il y avait des paroles, ils l'ont mis 3 mois ou je ne sais plus combien de mois, il a eu prendre la prison, après ça s'est transformé en sursis. Il faut faire attention, pas devenir paranoïaque, garder au milieu, mais pas plaisanter comme ça, faire au téléphone ou des fois comme ça, et sortir des choses qui, il ne faut pas donner le bâton, il ne faut pas être ambigu, ni des choses qui peuvent prêter à ambiguïté. Des questions? Et alhamdoulilah, nous allons pouvoir clôturer, inshallah. Donc j'aimerais finir en disant que voilà, j'espère que cette conférence aura été une modeste contribution, inshallah, à ce devoir qu'ont tous les musulmans envers le frère. Et je tiens aussi à préciser que c'est vraiment, elle a vraiment pour objectif de sensibiliser cette conférence et non pas d'apporter toutes les réponses. J'espère au contraire qu'elle va susciter beaucoup plus de questions et que chacun va s'intéresser, inshallah, et essayer de voir ce qu'il peut faire à son niveau pour pouvoir aider nos frères, inshallah. Barakallahu fikoum. Nous allons finir, inshallah, avec des doigts de notre frère Moussa. Mais juste avant, je voudrais rappeler quelques petites choses, juste quatre petits points. Je vous invite à rejoindre, inshallah, notre page Facebook et Twitter CRM, sur lesquelles, inshallah, nous diffusons beaucoup d'informations, sur lesquelles il y aura forcément un suivi. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فرج عن إخواننا المسجونين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا من عندك اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا من عندك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم اللهم عليك بظالميهم اللهم أتهم من حيث لا يحتسبون اللهم لا تدع لهم جمعا إلا فرقته ولا شملا إلا مزقته اللهم دمرهم تدميرا لا يقومون بعده اللهم شلهم من عروشهم اللهم دمر معاقلهم ولا تجعل لهم ملجأ يلجؤون إليه يا ذا الجلال والإكرام فأنت مولانا ولا مولى لهم اللهم فرج عن إخواننا المسجونين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم مكن لهم في الأرض اللهم اكفهم أعداء دينك مما شئت اللهم اكفنا أعداء دينك مما شئت اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك وخالفك اللهم احفظنا بالإسلام القائمين واحفظنا بالإسلام القاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأول بيت نحفظه بحياتنا وأول بيت نحفظه لحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا الإسلام لنا دينا وجميع الكون